Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 16. Si tu l'ignores encore, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 25 décembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es best-of, tu es compile, tu es florilège, tu es quintessence et tu es aussi crème de la crème. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es les meilleurs moments de la vie de Monique et Jean-Claude. Alors, pour ceux qui ont raté certains épisodes de l'existence romanesque de nos deux héros, ou pour ceux qui voudraient se remémorer certains détails, nous avons décidé ce matin de t'offrir au pied du sapin notre cadeau, c'est-à-dire une émission spéciale consacrée à la vie de Monique et de Jean-Claude. Pour commencer, il faut remonter à la décennie 80. Nous allons tout d'abord te raconter la rencontre de Monique et Jean-Claude, le jour magique où ils ont amorcé leur histoire un peu folle. Ensuite, toujours dans les années 80, tu verras qu'ils ont dû faire l'un et l'autre des efforts fondamentaux pour accepter leurs différences d'opinion politique. Et puis, la vie avance et Monique et Jean-Claude ont eu des enfants, dont Rémi, qui a effectué un voyage scolaire mémorable en Allemagne. Enfin, tu verras qu'il arrive parfois des trucs extraterrestres dans la vie de Monique et Jean-Claude, genre rencontre du troisième type. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, c'est Noël, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. I'm not afraid to Hang Up, nouveau tube de Madonna sur un remix d'un titre du groupe suédois ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Elle sait recycler la Madonna, hein ? Eh ben, nous aussi, puisque ce matin, nous te proposons un best-of de la vie de Monique et Jean-Claude et commençons tout de suite par leur rencontre qui remonte au tout début des années 80, Retour vers le futur. Au tout début des années 80, l'ami Jean-Claude est encore célibataire. Il est à peine trentenaire, il est à la recherche du plaisir. C'est un prédateur, il expérimente. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire, c'est ce que veut Jean-Claude. Mais, comme beaucoup d'autres mecs, il se la raconte pas mal, Jean-Claude. Et quand il parle de sa vie sexuelle et de ses nombreuses conquêtes à ses amis, eh ben, il n'hésite pas, il baratine. Avec le fugueux succès fou, le charme, ça fait vraiment tout. Un petit clin d'œil pour un rendez-vous, bien sûr, il ment. La drague, c'est beaucoup plus compliqué. Et en réalité, les nuits de Jean-Claude, ça se termine plutôt... Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Eh oui, Jean-Claude, il est prêt à payer pour coucher facile. Mais Jean-Claude, il en a un peu marre de ces endroits glauques. Désormais, il veut associer le plaisir du sexe à l'amour, une âme sœur avec qui il tenterait des trucs. Alors, le samedi soir, il se met en chasse. Il veut séduire, mais il veut aimer. Il a rencontré des femmes et plusieurs fois, il y a cru. Mais il est rentré bredouille, du coup, ça s'est terminé tout seul sous la douche. Il commence à désespérer quand une nuit, au bar des bains-douches, il croise le regard de Monique. Une vraie rencontre. Jean-Claude se lance, mais il est pâteau, il est palabre, il crâne, il est un peu branque. Monique, elle, ça l'agace. Elle sait que ça peut être plus simple. Embrasse-moi, idiot, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que des mots. Embrasse-moi, idiot, et j'oublierai tes défauts. Nous sommes dans les années 80 et Monique est une femme libérée. Elle dispose maintenant de son corps comme bon lui semble. Elle a connu, elle aussi, plusieurs conquêtes. Alors elle sait qu'il n'est pas grave de coucher le premier soir, au contraire. Quand on désire, il faut assouvir. Du coup, après quelques galoches langoureuses, Monique et Jean-Claude se retrouvent tous les deux, au milieu de la nuit, dans les draps du même lit. Tu veux pas que j'allume la petite lampe ? Je voudrais te voir. Je t'en prie. T'as les pieds froids ? Je sais, c'est l'émotion. Prends un peu de couverture, tire de ton côté la couverture. Merci. Tu sais... Je veux rien forcer, je veux rien brusquer. Chut. Oui, t'as raison. Je veux qu'une chose, je veux que tu te sentes bien. Je sais, merci. Non, je ne dis pas merci. Non, ne m'embrasse pas sur la bouche. Pourquoi ? C'est une marque de possession que je ne peux plus supporter, tu comprends ? J'ai trop souffert de ça. Ah, oui, oui, non, mais moi je veux que tu te sentes libre. Merci. Non, non, dis pas merci. Lâche ma jambe. Pourquoi ? Mais parce que j'ai l'impression d'être prisonnière d'un homme. Lâche ma jambe. Laquelle, celle-là ? Ben non, l'autre. Tu veux les deux ? Je t'ai vexée. Ah non, non, non, je comprends très bien. Non. Ah, merci. Non, dis pas merci. Ne me regarde pas comme ça. Pourquoi ? Ben je sens que tu es... J'aime pas que tu aies l'air de me demander quelque chose, c'est trop, tu comprends ? Ah oui, oui, je comprends. Bon. Tu m'allonges sur le dos. Ah, merci. Non, dis pas merci. Je voudrais... Quoi ? Je voudrais passer dessus. T'es pas bien, là ? Ah, si, mais je suis sûre que si j'étais... ça, tu comprends. Certainement, j'aurais dû y penser, c'est vrai. Ça ne te dérange pas? Oh, non, passe. Ah, merci. Dis pas merci. Ah non, ne fais pas ça. Quoi? Ben ça, ce rugissement. Écoute, je ne peux pas admettre que, même inconsciemment, tu cherches à me dominer. Ah non, il n'est pas question que je te domine, c'est toi. Ah, merci. Non, dis pas merci. Ah, je suis désolé. Ne t'en fais pas. Non, je m'en fais pas. Ce qui t'arrive, ça arrive à tout le monde. Faut pas que tu complexes. Ah, t'es gentil, merci. Ah non, t'es gentil. Dis. Quoi? Bah, la pilule, tu l'as prise? Non. Bah, va vite la prendre. Il y en a dans mon sac, dans la salle de bain. Ah, la salope! Va laver ton cul, malpropre! Jean-Claude, il est un peu énervé parce qu'il pensait que Monique était quand même plus détendue. Mais il n'y a pas que le cul dans la vie. La beauté intérieure, ça compte aussi. Et ils s'entendent bien, Monique et Jean-Claude. Très vite donc, ils s'installent ensemble. Au début, tout se passe bien. Les premiers mois sont toujours un moment formidable. On découvre les corps, on apprend les odeurs, on ne veut que l'autre. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Mais malheureusement, la routine s'installe peu à peu. Après la naissance de leur premier enfant, leur vie sexuelle a un peu changé. Jean-Claude, par exemple, cherche de nouvelles sources d'excitation sexuelle. Ainsi, quand en 1984, Canal+ décide de programmer du cinéma porno sur son antenne, c'est une véritable révolution. Le film X sort des salles spécialisées pour se projeter dans ton salon sur une chaîne hertzienne. Jean-Claude, sous prétexte d'aimer le football, convainc Monique de s'abonner à la chaîne cryptée. Résultat, chaque premier samedi du mois, Jean-Claude se couche un peu plus tard que d'habitude. Si nous passions à table... Je t'en prie, oh. Laisse-moi finir. Oh, faites comme il vous plaira. Merci, Hélène. Voilà, contrairement à Canal+, France Inter vient de t'offrir en clair 33 secondes d'un film porno des années 80 le dimanche, mais bon, sans l'image. Toujours est-il qu'après le film porno, quand Jean-Claude remonte se coucher, il est chaud bouillant. Monique, elle ne comprend pas ce qui se passe. Oui, je suis Belzébuth, je suis Saint-Pouc, je suis en rut. Oui, je vis dans l'ordure, je pue la sueur et la luxure, je fume, je bois. Canal+ a relancé leur vie sexuelle et c'est tant mieux. Après l'amour, Jean-Claude est sur un nuage. Il descend à la cuisine, fume une clope, ouvre le réfrigérateur et... Oui, pour Jean-Claude, après l'amour, c'est toujours une petite mousse. Et à chaque fois, quand Jean-Claude déguste sa bière tranquille, nu dans sa cuisine, avec sa clope au bec, il est content, un peu ivre et pas peu fier, il se met à chantonner. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu la secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu la secousses, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse de 4 pieds 6 pouces. Chou blanc de rousse, la frousse. Jean-Claude mousse. Et quand tu le secoues, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses. En avant toutes et tous, je pousse. Et quand tu le secousses, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses. En avant toutes et tous, je pousse. Mickey Mouse en 1981, Serge Gainsbourg, un gourdin dans sa housse. Et quand tu le secousses, eh ben, il mousse. Alors continuons tout de suite notre florilège spatio-temporel de la vie de Monique et Jean-Claude. Comme un ouragan, on retourne dans les années 80 pour savoir comment nos deux héros ont vécu cette décennie politique. C'est parti. Retournons voir ce que deviennent nos deux héros, Monique et Jean-Claude. Ils viennent à peine d'aménager ensemble en 1980 et avec eux, nous allons faire dans un premier temps un rapide survol de la vie politique française des 80s. Avant tout, il faut que je te donne quelques informations. En 1980, Monique a 32 ans et a mis tous ses espoirs dans l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Jean-Claude, lui, est de droite. Après s'être inscrit aux Jeunesses giscardiennes dans les 70s, il soutient son président Giscard à la barre. Alors t'imagines bien que l'ambiance à la maison pendant la campagne présidentielle de 1980-81, c'est plutôt rock'n'roll. Jean-Claude va bien entendu voter Giscard, alors que Monique soutient Mitterrand. Et quand, en 1981, la gauche arrive au pouvoir, Jean-Claude, forcément, il fait la gueule. Monique, elle, est euphorique, l'avenir lui semble radieux, la vie va changer. Mais après une période d'euphorie de 2 ans, Monique est devenue un peu critique. La gauche s'affronte à la réalité, rigueur du deuxième gouvernement Mauroy en 82, conversion des socialistes au capitalisme, tout ça, ça la chagrine un peu. Et puis, il y a les affaires. En 85, par exemple, le Rainbow Warrior, le bateau des écolos de Greenpeace, qui protestait contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, est coulé en Nouvelle-Zélande par la DGSE. Une sombre affaire, une sombre histoire de barbouze, sans doute cautionnée par le pouvoir. Oui, ça la chagrine Monique, et ce gros malin de Jean-Claude ne peut s'empêcher de la chambrer toute la journée, et toute la journée, Jean-Claude, il lui chante. Oh, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Alors, quand en 1986, la droite revient au pouvoir, suite à son succès aux législatives, Monique, elle a le blues. De voir Chirac Premier ministre, ça lui fait mal. Et puis, elle s'inquiète. La cohabitation, ça va donner quoi? Jean-Claude, lui, est très content. Enfin, la reprise en main. Et le matin, dans la salle de bain, il a changé de disque. Je suis de bonne humeur ce matin, y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur ce matin, y a des matins comme ça. Monique, elle, a décidé de ne pas baisser les bras. Nous sommes en 1986 et dans 2 ans, ce sont les présidentielles. Il faut y croire. Monique a un refrain en tête, un refrain dont elle fait son hymne pour elle et pour tous les camarades de la section PS du quartier. Les années passent, Jean-Claude et Monique sont toujours amoureux malgré leurs divergences politiques. Mais en 1988, les tensions reprennent de plus belle. Et oui, l'élection présidentielle approche. Pour Jean-Claude, la situation est claire, la droite se divise comme en 80. un seul homme peut sauver la droite, un homme qui a conservé la flamme du gaullisme, celui qu'on appelle quand il n'y a plus d'espoir. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Pour Jean-Claude, tout feu, tout flamme, c'est Jacques Chirac. Monique, elle connaît la chanson, et ça la fait bien rire ce que pense Jean-Claude. D'après elle, Chirac n'est pas du tout le capitaine Flamme. Non, non, non, non, non. Après l'avoir vu au gouvernement pendant la cohabitation de 86 à 88, Monique pense que Chirac, c'est plutôt... Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas, ouh, ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie, ouh, ouh. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Le vrai problème de Monique, c'est de savoir qui sera le candidat de la gauche à la présidentielle de 88. Qui sera face à Chirac? Elle a beau réfléchir, elle n'en voit qu'un, Mitterrand. Mais à 2 mois de l'élection, le président ne s'est pas encore prononcé. Monique, elle veut que ce soit Mitterrand le candidat de la gauche. Pour elle, c'est lui le sauveur. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons. Pour Monique, Mitterrand, c'est Goldorak, le chevalier solitaire. Et François Mitterrand a entendu Monique. Le 22 mars 88, le président annonce qu'il sera candidat. Et il a bien fait Mitterrand, car il est réélu avec 54% des suffrages. La claque pour Chirac. C'est sa deuxième tôle en 2 élections présidentielles. Oui, la droite est mal parce qu'en plus de gagner les présidentielles, la gauche obtient la majorité à l'Assemblée nationale. La droite est groggy, elle gamberge. Ils sont partis. Donc, en 88, Mitterrand est réélu président. Il nomme Michel Rocard Premier ministre, la gauche est de nouveau au pouvoir. Mais les relations sont tendues entre les deux têtes de l'exécutif. Monique voit cette période d'un œil un peu terne. Le FN, parti d'extrême droite, gagne du terrain et des scandales politico-financiers éclaboussent le PS. Ouais, on est bien loin de l'euphorie de mai 80. Pour Monique, cette fin des années 80, c'est un peu... Oui, Monique, elle est un peu désenchantée à la fin des 80s. Ni la gauche, ni la droite n'ont vraiment su sortir la France de la crise. D'ailleurs, Monique, elle se demande si les structures économiques ne seraient pas devenues plus puissantes que la politique. Pourtant, elle y croit, Monique, à l'engagement politique. L'attentisme, ce n'est pas pour elle. Elle y croit encore, malgré les déceptions. Elle n'est pas KO, Monique. When petite sœur will just have to remember. I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts.

Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte une route. Y'a même un chien qui court la tête entre les mains. Y'a une route. Jean-Claude avance titubant en direction de sa maison quand soudain. Jean-Claude s'accroche au réverbère pour ne pas tomber et, croyant qu'il s'agit de Monique qui l'appelle, décroche son portable. Mais rien. Jusqu'à là, insiste. Mais non, ce n'est toujours pas son portable. Jean-Claude regarde alors autour de lui, à droite, à gauche, derrière, en haut, quand une petite voix l'interpelle du trottoir. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, le cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Je vis dans le grand vaisseau, comme un poisson dans l'eau, avec Télémax, Télémax et Ulysse. Jean-Claude a une pensée émue pour les 12 bières qu'il s'est enfilées. Il se frotte les yeux et regarde le petit être étrange, à la voix si bizarre, ce droïde tourne sur lui-même tout en le regardant avec un large sourire. Jean-Claude reprend ses esprits et reste très cartésien. C'est sans doute une vision mystique due à ses excès de travail. Jean-Claude refuse de sombrer dans le paranormal. Qu'est-ce qu'il a ? Jean-Claude reprend donc sa route, refusant d'être importuné par un inconnu qui risque de lui gâcher sa joie après la victoire de l'équipe de France. Voyant son nouvel ami partir, l'être venu d'ailleurs poursuit Jean-Claude. Il veut que le contact se poursuive, mais Jean-Claude n'en a rien à faire. Demain, il doit se lever tôt. Alors, l'être étrange se lance dans une plainte universelle. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Jean-Claude continue sa route quand, dans un éclair effroyable, l'être étrange disparaît. Jean-Claude n'en croit pas ses yeux. Il regarde sa montre, il est... Tiens, sa montre ne marche plus. Incroyable. Arrivé chez lui, Jean-Claude se précipite dans la chambre et réveille Monique. Il veut lui raconter la rencontre qu'il vient de faire. Monique se réveille, les yeux embrumés de sommeil, elle aperçoit le Jean-Claude dans un drôle d'état. Cheveux en bataille, chemise en vrac, yeux brillants. Pour elle, c'est clair, il a encore picolé. Mais non, Jean-Claude lui raconte sa rencontre et lui décrit ce personnage. Il faisait zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurai jamais. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurai jamais. Monique, elle, n'en peut plus de ces histoires d'après-match. Elle connaît trop le Jean-Claude pour se laisser embobiner par ses sornettes. Jean-Claude s'assoit alors doucement sur le bord du lit et reprend calmement son histoire depuis le début. Il a passé la soirée avec ses potes Frédéric et Michal qui lui ont fait rencontrer un troisième type. Ils ont maté le match, puis regardé les news sur E.T. Les Visions. C'est après, en rentrant la nuit dans la ville, le long d'une route solitaire, tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva, que lui, Jean-Claude, l'avait vu, l'être venu d'ailleurs. Monique, elle, ça ne l'amuse pas du tout, ces conneries. Il est tard, ça suffit. Demain, elle bosse et s'apprête à en rajouter une couche quand soudain... Leur chambre est alors envahie par une douce lumière bleutée venue de dehors. Monique se cache sous les draps, mais Jean-Claude est confiant. Il sait que la bestiole vient seulement lui dire au revoir. Monique refuse de sortir de sa planque, mais Jean-Claude la prend par la main et tente de la rassurer. L'extraterrestre va bientôt partir, il n'y a pas de temps à perdre. Viens dans la lumière, sors de la terre, tombe des nues. Viens, faisons la guerre. La grande guerre au temps perdu. Monique et Jean-Claude s'approchent de la fenêtre. Dehors, au-dessus de leur tête, une forme allongée s'éloigne doucement vers l'espace. Monique et Jean-Claude font « coucou » de la main. La lumière disparaît. Alors nos deux héros se regardent et s'embrassent. 3 heures du matin, il est temps d'aller se coucher. Une fois dans le lit, Jean-Claude regarde Monique. Elle lui sourit. Ils ont vécu ce soir une rencontre extraordinaire. Avant de fermer les yeux, Jean-Claude enlace tendrement Monique et lui murmure. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, bonne nuit. Ma chérie, fais de beaux rêves, hein. Laisse-moi, laisse-moi. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. Mais oui, mais oui. Et c'est en pensant à leur amour et à la visite extraterrestre que Monique et Jean-Claude s'endorment ce soir-là, les yeux fixés sur les étoiles. Kelly Watch the Stars, une chanson magique du groupe R en 1998 sur l'album Moon Safari, album sublime qui est toujours en orbite autour de la Terre. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans la galaxie de Monique et Jean-Claude. De la rose au point de Monique à la croix de Lorraine de Jean-Claude, du Ich liebe dich, meine Liebe de Rémi au porno sur canal de son père, des ovnis à leur folie, nous avons essayé de t'offrir un best-of des histoires de nos deux héros. Joyeux Noël. Oh, quand j'entends chanter Noël, Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, Noël, mon beau rêve. ce n'est au ciel, au ciel. J'aime avoir tes yeux clairs, maman. Et je songe à notre belle blanche. Pour la suite de nos aventures, on se retrouve dès samedi prochain, si si, samedi prochain, entre 23h et 1h du matin, toujours sur Inter, pour une émission exceptionnelle. Nous réveillons-nous ensemble et te proposons, si tu le veux bien, de vivre avec nous 2 heures étranges d'aventures, de mystères et surtout de déconnes. Rendez-vous donc samedi 31 décembre à 23h pour une Saint-Sylvestre à notre sauce. Et dès le lendemain, le 1er janvier donc, dimanche prochain, la panique au Mangin Palace est fidèle au poste pour une relecture décalée de ton année 2005. Voilà, fin du 16e épisode. On espère que tu as passé un bon moment en compagnie de Monique et Jean-Claude. L'équipage, toujours composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Julien Dumont. Merci à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi. Merci beaucoup Amel. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Catherine Pinto, jeune stagiaire très efficace. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien, à la semaine prochaine et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Thank you.